Unité 3, phonétique, exercice A. 1. Les enfants. 2. L'enfant. 3. La lecture. 4. Les lectures. 5. Les films. 6. Le film.